les vibes. Uh-huh. Yeah. C'est avec les vibes. Écoute ça. Come on. La vie est si belle quand toute la bonne musique. Ben ouais, je fous d'elle fidèle à sa pratique. J'ai pas besoin d'oser les décibels pour le dire. Ça prend juste un bon cahier, un crayon pour savoir écrire. Pas besoin de savoir crier quand une journée où qu'il fait beau. Les rimes sont en train de flotter comme une plume d'un oiseau. La plume de mon bureau qui me fait évader. Ou sur un billet de piano qui me fait évader. Ça là que c'est facile d'oublier, ben c'est pas vrai. Mais c'est toujours après la pluie que le beau temps apparaît. Et en cette part appareil, laisse le temps réparer. La vie va te guider sur quel chemin emprunter. Quelle vie diriger pour pas perdre le bon élan. Pour être dans ton sens du vent, on l'en fasse trop souvent. Pas besoin d'être loin après ce qu'il y a pour savoir dire merci. Merci la vie, merci de m'avoir appris. Ça t'est pas comme ta voix, mais ta vie est belle. C'est pas tout le monde qui veut la voir, mais ta vie est belle. Arrête le temps quelques instants, hein. La vie est belle. On est pas tous éternels, fait que profite-en, hein. La vie est belle. La vie belle. Une belle vie, une seule chance de survie. J'ai été garoché dans un monde que j'ai pas choisi. J'ai à peine ouvert les yeux que j'ai souri. J'ai à peine su marcher que j'ai grandi. Je vais tout faire à mon pouvoir pour surtout pas l'engorger. Question de pas décevoir ceux qui me l'ont donné. La vie est belle. Mais il faut savoir la voir, ça n'est pas comme à ta voix. Mais y'a pas toujours son voix noir. C'est sûr que des hauts, c'est sûr que des bas. On prend qui quand ça va bien, puis on sait quand ça va pas. Mais fais-toi-en pas, le soleil sort derrière la colline. Comme un petit bonhomme dans le temps de TV matin. Et t'es enfant trop innocent pour savoir ce qu'il dessine. Puis maintenant trop grand, il sait qu'il sniffe des aspirines. En tout cas pour ma part, je sais l'apprécier. Une vie que je suis content de faire, puis surtout de continuer. Puis quand le temps sera venu de faire mes adieux, je sais dans le fond que j'aurai réussi. Même étant plus vieux, quand je crache pas sur mon avenir, je n'y pas mon passé. Pas question de passer ma vie, je me suis surpassé. Ça t'est pas comme à ta voix, mais ta vie est belle. C'est pas tout le monde qui veut la voir, mais ta vie est belle. Arrête le temps quelques instants, hein. La vie est belle. Ça t'est pas comme à ta voix, mais la vie est belle. C'est pas tout le monde qui veut la voir, mais la vie est belle. Arrête le temps quelques instants, hein. La vie est belle. On est pas tous éternels, fait que profite-en, hein. La vie est belle. Mais il veut que c'est là.